And now, voici les mots et les phrases. Here are the words and phrases for the next dialogue. Écoutez le français, l'anglais, le français encore et répétez. Un client. A guest. Un client. Votre numéro de chambre. Your room number. Votre numéro de chambre. Du thé. Some tea. Du thé. Du café. Some coffee. Du café. Encore du café. More coffee. Another coffee. Encore du café. Tout de suite. Right away. Immediately. Tout de suite. Servez-vous. Help yourself. Servez-vous. Au buffet. At the buffet. Au buffet.